Pour tous vos problèmes en électricité, les électriciens du Nord qu'il faut contacter. Une équipe d'expérience qui est en affaires depuis 40 ans et qui saura bien vous conseiller pour vos différents ennuis électriques. Nous faisons la vente d'équipements neufs ou usagés pour le résidentiel, le commercial et l'industriel, ainsi que les institutions. Les électriciens du Nord, situés au 1025 3e rue à l'Ascension, au numéro de téléphone 418-347-5103. Le propriétaire des électriciens du Nord, M. Ghislain Tremblay, rappelle qu'en achetant localement, préserve nos emplois chez nous. C'est la chronique maintenant du hockey mineur de Roberval, présentée par Jean Lapierre Mécanique de Saint-Prime. Salut Hugo. Salut. Hugo, d'abord, j'avais oublié de te demander la semaine passée, est-ce que vous allez avoir la même activité que Dolbeau a eu concernant les Saguenayens qui vont venir patiner avec les jeunes? Ben, nous autres, on l'a déjà eu, cette activité-là, il y a 2 semaines. Ah, OK, 2 semaines. OK. Il y a 2 semaines, là, les Saguenayens étaient venus là, avec 6 joueurs, en plus un entraîneur. Dans notre cas, c'était Simon Gaudreau, qui était l'entraîneur désigné, avec 6 joueurs des Saguenayens, qui sont venus là selon les disponibilités des heures de glace, nous autres, parce qu'il y avait, on entendait qu'on a juste un aréna, puis on est à Marseillache, il y avait juste possibilité pour les gens des Saguenayens de venir avec les jeunes qui sont dans la catégorie novice et pré-novice. Mm. Donc, les Saguenayens là, sont arrivés, c'est eux qui ont fait les exercices, c'est eux qui ont fait tous les exercices puis pour une heure de temps. Puis après ça, là, dans la salle de Mastoyache, à côté de adjacente à l'aréna, ben les Saguenayens ont procédé là, à des autographes puis à des prises de photos là, avec les joueurs. Donc ça a été vraiment là, une belle activité là, organisée pas conjointement, c'est vraiment l'idée des Saguenayens d'avoir fonctionné de même, qui nous ont appelés puis ont dit on veut faire ça là, dans 4 hockey mineurs au lac Saint-Jean. Fait que bravo aux Saguenayens, les jeunes ont vraiment apprécié là, cette activité-là. Là, c'est une suite pas mal de nos matchs qu'on a eus, hein? Oui, c'est ça. Ben, c'est moi, je pense que c'est dans la même lignée d'essayer de se rapprocher. Là, j'ai vu passer là, cette semaine également sur Facebook là, que les Saguenayens avaient fait là, un match de 3 périodes avec différentes organisations à Saguenay. Puis là, ben de faire au lac Saint-Jean cette activité-là là, de promotion, puis de venir se rapprocher un peu du monde du lac, ben je trouve que c'est une recette qui peut être gagnante là, s'ils veulent garder leur appartenance, là, puis que les gens du lac ben, s'en aillent tranquille de quelques parties. Donc, belle initiative des Saguenayens. OK. C'est pas mal intéressant. Je veux te parler maintenant du côté du tournoi Bantam. On sait que il y a des reportages qui se font tous les jours avec Pierre-Luc Ménard. Est-ce que vous avez des équipes ici? Oui, on a 2 équipes, nous autres, de Robert. Ben, on a 2 équipes de notre secteur. Moi, j'ai mon Bantam A qui est en tournoi de le Boumistassini durant la fin de semaine. Puis on a notre équipe là, de secteur, donc les Hurricanes Bantam 2B. Également qui participe au tournoi. Dans les 2 cas, moi, je vais parler pour moi, là, mais dans mon cas du Bantama, là, il tombe en action à partir de demain. Et je sais également là, que pour le cas là, du Bantam 2B de Mastoyache, eux autres aussi également, là, ils commencent leur activité demain en soirée. Puis dans le cas des 2 équipes, ben c'est une partie demain pour jouer 2 parties samedi dans la journée. Donc, on n'a pas encore de résultats là, par rapport au tournoi, mais oui, nos équipes vont commencer demain là, leur participation au tournoi de Bantam de Dolboum. OK. Maintenant, Ligue Saint-Belette, de vos équipes. Ligue Saint-Belette, la saison régulière là, continue également. Là. On est à part le Bantam qui est en pause là, pour le tournoi Bantam, nos équipes Atom puis oui, ben cette semaine sont en action pour une dernière fin de semaine avant de commencer la semaine prochaine le tournoi Atom puis oui de Dolbeau. Sinon ben c'est même là en fin de semaine là les derniers petits bouts de chou, donc c'est vraiment là, le pré-novice là qui commence les autres là nos activités depuis le début, ils font leurs leçons là, mais à partir d'en fin de semaine ben les petits pré-novices vont pouvoir là, commencer leur saison régulière. Nous, on joue avec les équipes de Robertval, on joue avec les équipes de Marseillage, de Saint-Étienne. Donc, on va essayer, là, on a créé une petite ligue. Donc, ils vont commencer là, à partir dans la fin de semaine. Leur petit calendrier jusqu'à Noël là, de partie amicale là, pour okay. le plaisir. Parle-moi des travaux au Centre sportif Benoît-Lévesque. Est-ce que ça va comme rondement? Est-ce que ça va comme prévu? Est-ce que vous allez rentrer après les fêtes dans une toute nouvelle aréna? Non, malheureusement, les dates ne seront pas okay. respectées. Puis quand je dis, c'est vraiment là... Ça a été un bon casse-tête. Là, on est en train de brasser ça parce que là, présentement, là, on parle pas avant début février ou mi-février. Okay. Donc, ça a même des très grosses répercussions sur Marron de Nevis-Sato. On est en train là, de regarder parce qu'habituellement, là, on avait la ronde là, 27-28, la fin de semaine du 27-28 janvier puis la fin de semaine du 4 février. Mais là, Saint-Félicien dans le Bantam a pris la fin de semaine du 27-28 janvier. Donc, on peut plus faire notre ronde, on peut plus faire notre ronde novice ces dates-là. Faut décaler d'une semaine. Là. Donc, c'est un méchant contrat qui espérait. Là, j'ai pas nécessairement tous les détails pourquoi toutes ces raisons-là de ces retards-là là, de Unibec là, par rapport à ça, mais c'est un peu désolant là, de savoir qu'on est obligé. On est chanceux, Mastoyage collabore bien, mais c'est un peu à quelque part désolant là, que différents organismes. Là. Moi, je suis chanceux au niveau du hockey. Mastoyage m'a donné beaucoup d'heures, mais je pense qu'au niveau du patinage artistique et au patinage de vitesse, qu'eux autres avaient réduit leur nombre d'heures parce qu'ils espéraient rentrer en janvier. Là. Je pense qu'il y a une certaine déception quand même par rapport à ça. C'est dû à quoi, hein? C'est dû à des délais, à des mauvaises prévisions, des choses qui n'auraient pas dû, selon des ingénieurs qui n'auraient pas été mis dans les plans. Mais je veux dire, tout contrat là, de construction. Moi, j'ai pas encore vu ça ben, des délais de construction, des chantiers de construction de 10-12 millions, puis que les compagnies arrivent dans le temps également. Là. Je pense aussi, en tout cas. J'en ai vu un au Centre Vidéotron à Québec. C'est le seul. Le reste, on est au Québec. Fait qu'il faut. C'est le seul contrat que j'ai vu. Le reste, c'est toujours des dépassements de coûts. Puis, et voilà. Et là, les dépassements de coûts, ça va te dire combien, là? Moi, je pense pas qu'il y ait de dépassements de coûts. OK. Mais il y a des délais. C'est les délais qui sont plus. Je ne peux pas dire le mot problématique. Je pense que la ville de Robertval va rentrer dans ses coûts. Sauf que le problème, c'est que là, c'est pas juste les coûts, c'est que là, ben là, on avait parlé au départ, l'aréna était livrable le 8 de décembre. Okay. Puis là, on parle de la livrer le 5 de février. Tu comprendras que c'est quand même deux mois, là. Ouais. Rendu le 5 de février, ben, la saison est pas mal finie, là. Ben, t'as tout compris. Fait que c'est ça, là. Dans le fond, on est en train de dire, ben, après, le projet comme tel est nécessaire, ça va faire un bel aréna. Mais on a quand même là, perdu une année là, d'hockey, puis les gens de patinage de vitesse artistique ont perdu un an de patin parce que là, on est en retard de deux mois. Là. Si tout va bien, si tout va bien, c'est le 5 de février. Mais est-ce que tout va bien, puis après ça, ils vont nous prolonger encore? Puis regarde, on a eu une lettre là, de M. Carole Martel, là, le directeur des loisirs cette semaine, qui nous disait que là, ben. On serait pas capable d'avoir le centre sportif avant le 5 de février. OK. Donc, c'est vraiment quelque chose de déplorable. Hugo, ça fait le tour pour cette semaine, puis on se reparle. On se reparle lundi prochain. Jeudi prochain. Hugo Maltais, on rappelle que c'est commandité par Jean Lapierre Mécanique.